Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le RER à 50 ans, une série de Christelle Le Polothèque réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a un anniversaire, un son reconnaissable et des souvenirs de foule à la gare Saint-Lazare. Il y a des paysages qui changent, des trains bondés ou surchauffés, les 30 Glorieuses, la Défense et puis des banlieues chics. Alors pour commencer, les personnages. Une usagère, une chercheuse qui se souvient, une urbaniste face à une gare, des responsables techniques, des aiguilleurs et des aiguilleuses, un sociologue usager et des voyageurs. Ensuite, le décor. Un parc d'attractions du néoclassique, Marne-la-Vallée, des villes nouvelles, Torcy, Cergy, Évry, un PC sécurité, des tableaux de bord, des annonces et des affichages, des lignes privilégiées, des châteaux et des parcs. Aujourd'hui, troisième épisode, on ouvre un livre. Après-demain, la gare Saint-Lazare ne sera plus la porte d'entrée dans Paris pour moi, pour les habitants de la ville nouvelle. Nous arriverons par le RER dans les stations souterraines de Charles de Gaulle, Aubert, Les Halles, etc. Ce matin, je regardais le hall de la gare Saint-Lazare, la verrière, les oiseaux qui la sillonnent. 9 années de ma vie vont se refermer par un changement de parcours Cergy-Paris. Il y aura le temps du train Cergy-Saint-Lazare et le temps du RER A. Annie Ernaux, Journal du Dehors. RER A, des guinguettes aux villes nouvelles. Pour cette traversée sur le RER A, j'aurais pu aller jusqu'à Cergy, arpenter la ville nouvelle qui revient si souvent dans les livres d'Annie Ernaux. J'aurais aussi aimé prendre la ligne de Poissy, voir ce qui reste de la halte ferroviaire qui a desservi pendant des décennies l'usine de Peugeot Citroën. Mais la gare de Poissy-Quai-Talbot est à l'abandon depuis 2004. Les trains ne s'y arrêtent plus. Alors j'ai choisi un autre trajet, Est-Ouest, depuis le château de la Belle au bois dormant à Euro Disney jusqu'à celui de Saint-Germain-en-Laye. Prenons une carte. À l'origine, le RER A reprend le tracé de 2 anciennes lignes historiques. Côté ouest, Paris-Saint-Lazare, Saint-Germain-en-Laye. La ligne date de 1837. Côté est, Bastille-Vincennes, 1859, avant d'être prolongée jusqu'à Boissy en 1874. Et bien sûr, jusqu'à Euro Disney en 1992. À Paris aussi, le RER A a tout changé. Quand les deux lignes ont été reliées par le tronçon central. Oubliée, le terminus à Saint-Lazare, quant à la gare de la Bastille, fermée en 69, elle a été définitivement rasée en 84 pour faire place à l'Opéra. Au moment de la dernière, de son dernier trajet, c'était vraiment la ligne qui était obsolète, Fabienne Vax. La ligne dans laquelle les gens s'entassaient, qui était la plus laissée à l'abandon. Il y avait le moins de trajets, donc elle était toujours bourrée. Les gens s'entassaient comme on ne peut pas imaginer même aujourd'hui en jour de grève. Et les habitants comme les élus, depuis la fin de la guerre, râlaient en permanence en disant que ce n'était pas possible qu'ils soient abandonnés à ce point-là. Elle a été créée quand ? En 1859. La ligne de Vincennes a été créée en 1859, donc elle partait de la gare de la Bastille. Elle a changé plusieurs fois de terminus. Elle a été jusqu'à vraiment les terres maraîchères d'Île-de-France. Et puis, ces terminus ont été fermés au fur et à mesure. Et cette ligne, elle traversait les banlieues plus bourgeoises au départ de Paris. Et ensuite, elle allait sur des banlieues qui ont commencé à devenir surpeuplées. Et par exemple, la population de Champigny après la Deuxième Guerre, donc, a doublé. Et les trains, la fréquence des trains a diminué. Donc ça explique aussi la situation des passagers de cette ligne-là. Et c'était vraiment un train qui charriait les voyageurs qui allaient travailler à Paris et qui en revenaient. Le royaume de Mickey va-t-il venir s'installer en région parisienne? La société américaine Walt Disney souhaite ouvrir une annexe du célèbre Disneyland en Europe, on le sait depuis quelques temps. Les élus d'Île-de-France verraient d'un très bon œil l'ouverture de ce parc de loisirs chez eux, et on le comprend car il y a à la clé presque 10 000 emplois qui pourraient être créés. Mais il y a des concurrents sérieux, comme la ville espagnole de Barcelone. Et les Américains sont exigeants à l'est de Paris, Marne-la-Vallée les intéresse, mais ils veulent par exemple que l'on rallonge la ligne de RER de plusieurs kilomètres pour créer ce parc de loisirs de 2000 hectares. Marne-la-Vallée, Chessy, parc Disneyland. Donc, terminus de la ligne A, qui est aussi une gare TGV, puisqu'il faut bien desservir un parc d'attractions de cette ampleur. Marine Buffa, urbaniste. Le plus grand parc d'attractions français, ça fait aussi partie de la stratégie de développement de la métropole, qui est d'aménager ce type de parc. Donc, quand on arrive, il y a une scénographie quand même très, très particulière. La gare est aménagée. On retrouve la verrière traditionnelle qui surplombe les quais. Et puis, on a une entrée de gare avec deux colonnes qui évoquent le chapiteau du château de La Belle au Bois Dormant. Donc, on arrive dans ce secteur et on est tout de suite dans un autre monde. Et on aperçoit donc sur une tour les oreilles de Mickey. C'était mouvementé, mais j'ai aimé. C'était très bien. Ce à quoi il faut penser aussi, c'est que donc l'aménagement d'un parc comme ça, ça représente quand même un investissement de plusieurs millions, voire milliards. Donc les investisseurs ont à cœur vraiment de soigner effectivement l'arrivée en gare avec ce vaste parvis et en même temps les abords du parc en termes d'urbanisation. Donc le parc s'est installé sur des emprises foncières gigantesques et donc on va retrouver en fait dans l'aménagement de certains lotissements autour de Disney une architecture particulière dite pastiche qui va imiter le style néoclassique italien ou ce genre de choses dans certains quartiers un petit peu cossus. Le parc, c'est des milliers d'emplois, c'est aussi donc des gens qui habitent dans ces lieux. Et donc, il faut pouvoir attirer le cadre. Et Disney tient à soigner son image et donc a fait en sorte d'aménager aussi certaines portions des villes dans l'esprit de Disneyland. Si on fait un tour sur nous-mêmes, voilà, notre regard se pose systématiquement soit sur un élément du décor du parc, sur un hôtel, sur un petit bout de forêt. La perspective ne révèle pas autre chose que des éléments du parc. Hein, donc c'est cette idée de monde clos. Donc on va vous suivre, Marine Buffa. On va aller découvrir cette partie du RER qui a été conçue pour desservir la ville de Marne-la-Vallée. Qui s'étend donc sur plusieurs stations, c'est ça ? Qui s'étend sur plusieurs stations et plusieurs communes, ça comprend en tout 26 communes. Et divisé en 4 secteurs. Donc on est déjà là dans cette zone de Marne-la-Vallée. Val d'Europe. C'est la première station donc après la station Disney et on est encore à l'intérieur du grand complexe Disney puisque Val d'Europe accueille un grand centre commercial de type mall d'inspiration américaine, c'est-à-dire qui imite en fait l'architecture des villages qui a été développée donc dans la continuité du parc. Donc on va retrouver le style d'architecture néoclassique qu'on a vu également sur la façade TGV de la gare de Disney et qu'on va retrouver dans les différents secteurs aménagés par Disney, à Marne-la-Vallée. Là, Marine Buffa, nous sommes à Torcy. Torcy qui a été en fait le premier terminus en 1980. C'était Torcy-Marne-la-Vallée qui desservait donc les différentes stations de cette ville nouvelle de Marne-la-Vallée. C'était l'une des raisons de l'implantation donc de cette ligne du RER A. Oui, alors on est effectivement avec Paul Delouvrier dans les années 60, hein, dans un contexte d'aménagement du territoire, hein, très fort, hein, donc dans une période qui est la période des 30 Glorieuses, des baby-boomers, et donc l'agglomération parisienne se développe. Donc la région de Paris, hein, connaît des problèmes de congestion et le développement se fait de manière un petit peu anarchique. Donc la DATAR, il y a son ministre Paul Delouvrier, l'État, donc, réfléchit à un grand plan d'aménagement pour organiser le desserrement de l'agglomération parisienne. Et donc ils vont penser deux choses en même temps, l'aménagement de 5 villes nouvelles qui doivent être situées à moins de 50 km hein, du centre de Paris, et donc l'aménagement du RER, Réseau Express Régional, pour notamment desservir ces villes nouvelles en traversant le cœur de Paris, le cœur de la capitale. Donc ici on est à l'est, on a Marne-la-Vallée. Plus au sud-est, on va avoir la ville nouvelle de Melun-Sénart. Un petit peu plus au nord, mais toujours au sud-est de l'agglomération, on a la ville nouvelle d'Évry. Sur la partie sud-ouest, vous avez la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et enfin, au nord-ouest de l'agglomération, vous avez la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Bon, le terme de ville nouvelle évoque des secteurs d'urbanisation qui s'étalent à l'origine sur plusieurs communes. Donc l'État repère des terrains peu urbanisés dans des secteurs dédiés à l'urbanisation et dans les principales vallées de l'agglomération parisienne qui sont organisées autour des fleuves, hein, donc l'Oise pour Cergy, la Seine pour Évry notamment, et donc la Marne pour Marne-la-Vallée. Donc plusieurs communes dans lesquelles on va disperser donc différentes fonctions, donc les fonctions qui sont liées au travail notamment, les fonctions qui sont liées au logement, et puis donc le transport avec l'infrastructure du RER. Donc ces villes, elles sont pensées pour être des pôles urbains entre guillemets autosuffisants, et dans une approche, disons, un peu d'idéal type hein, de ville, puisqu'à l'intérieur, on va apporter le maximum de services et d'équipements, on va aménager des grands parcs de loisirs, on a aussi des architectures démonstratives assez spectaculaires, avec beaucoup d'innovations architecturales. On est aussi dans des stratégies de développement économique, donc on va accueillir des grandes sociétés qui vont implanter leur siège, hein. C'est le cas du Technocentre de Renault à Saint-Quentin-en-Yvelines, on accueille Euro Disney du côté de Marne-la-Vallée. On est dans des villes qui se créent ex nihilo, dans lesquelles les infrastructures de circulation donc, vont être pensées avec des dimensionnements types, hein, donc des voies rapides pour relier les différents pôles de ces villes nouvelles qui s'étalent quand même sur plusieurs secteurs, et à l'intérieur desquelles vous allez avoir des formes de lotissements qui vont fonctionner comme des micro-villages avec beaucoup d'aménités, d'espaces verts. Là, on est dans une partie voilà, relativement dense où on a des constructions de type immeuble des années 80. Mais dans d'autres secteurs de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, vous avez plutôt des secteurs pavillonnaires voilà, organisés en lotissement, assez confortables, dont certains sont extrêmement léchés d'ailleurs. Et donc, on se trouve à partir des villes nouvelles et autour des villes nouvelles, aux franges vraiment de la partie urbanisée de l'agglomération parisienne, au-delà desquelles, ensuite, on retrouve les grands territoires agricoles de l'Île-de-France. Et donc là, on va reprendre le RER en direction de Paris, de Vincennes d'abord, on s'arrêtera. Regarde ce plan du RER, la ville nouvelle de Marne-la-Vallée, elle s'étend jusqu'où ? Donc on a Marne-la-Vallée-Chessy, Val-d'Europe, Bussy-Saint-Georges, Torcy, Logne. Ça va jusqu'à Brie-sur-Marne, c'est-à-dire c'est, oui, c'est très 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stations. Et je sais qu'il y a 9 stations et 26 communes. Il y a quand même des forêts domaniales qui ont été conservées dans ces secteurs très urbanisés. Et justement, ça fait partie du cadre. Et là, on voit émerger en fait hein, les premières tours au-delà de cette marée de pavillons. Voilà, c'est les premières tours qui sont donc dédiées à l'activité tertiaire, notamment banque et assurance. donc qui représente des milliers d'emplois, et des emplois plutôt qualifiés, plutôt de cadres. On arrive dans le secteur du Val de Fontenay, qui est connu pour être un très important pôle tertiaire à proximité de Paris. Val de Fontenay. Le freinage pouvant être puissant, nous vous invitons à vous tenir aux barres de maintien si vous voyagez debout. On arrive à Vincennes, on va vous laisser là, Marine Buffat. Nous, on va aller voir le PC de sécurité. On se retrouve peut-être un peu plus tard dans la journée. D'accord, très bien. À tout à l'heure. Aux heures de forte affluence, dans Paris, les trains du RER A se succèdent toutes les 2 minutes 20 pour un débit pouvant aller jusqu'à 65 000 passagers à l'heure dans chaque sens. Pour soutenir un tel trafic, la ligne A est dotée d'une tour de contrôle, le centre de commandement unique, appelé CCU, situé à Vincennes. C'est ici qu'aiguilleur, régulateur, coordinateur et gestionnaire de l'information voyageur RATP et SNCF se relaient pour commander toute la vie de la ligne. Chacun sur son domaine de responsabilité. Alors on va passer par justement un sas sécurisé. Faut pousser. Donc bienvenue au CCU. Donc là, on est avec vous, Mathieu Lemour. Donc vous êtes responsable du centre de commandement unique face à cette pièce assez incroyable, donc en arc de siècle. Je ne sais pas comment vous pourriez nous la décrire. Ah, c'est pas facile à décrire. C'est une pièce qui fait environ 500 mètres carrés avec une énorme grande agora avec un tableau en arc de cercle. Et sur ce tableau, parmi d'autres informations, on a l'information principale de la position de tous les trains sur la ligne. Et alors on a une succession de LED, et notamment dès qu'il y a du rouge, c'est un train qui est en circulation. Et c'est grâce à ce grand tableau que l'ensemble des agents que je vais vous décrire travaillent et suivent le trafic du RER A, parce que dans cette salle, on régule et on gère le trafic du RER A d'un côté, et de l'autre côté, on récupère tout ce qui est en train de se passer sur l'exploitation et la régulation du RER A pour le transformer en information voyageur, notamment qu'un incident. Donc on a vraiment deux grandes fonctions dans cette salle, la gestion du trafic et l'information voyageur. Donc vous, Jean-Michel Sens, vous êtes directeur de la ligne A au CCU de Vincennes, donc côté RATP. Le CCU, c'est le centre de commandement unique. Avant, il était séparé en deux. Il y avait la partie RATP qui était déjà ici à Vincennes. Et il y avait la partie SNCF, puisque une partie de la ligne A est gérée par la SNCF, en l'occurrence la branche de Cergy et de Poissy. Cette partie-là était commandée depuis la gare de Saint-Lazare. Et donc depuis mars 2019, on a regroupé les équipes de la SNCF et de la RATP ici à Vincennes. Alors très rapidement, la ligne en tout, elle fait 109 km de long. On a aujourd'hui plutôt 1 400 000 voyageurs. C'est le résultat de comptages qui ont eu lieu en 2018 sur l'ensemble de la ligne. Voyageurs quotidiens ? Quotidiens, un jour de semaine, du lundi au vendredi, en dehors des vacances scolaires, on a effectivement 1 400 000 voyageurs. Et avec, dans le tronçon central, alors ce qu'on appelle le tronçon central, c'est la partie entre Vincennes et puis la Défense, on a un train toutes les 2 minutes 20, sachant que chaque train peut transporter 2600 personnes. Voilà. On traverse quasiment toute l'île de France, puisque 7 départements sont traversés par la ligne A et 41 communes. Une des difficultés de la ligne A, c'est qu'on a ce qu'on appelle des convergences qui sont le résultat des branches. C'est-à-dire que quand les branches rejoignent le tronçon central, à un moment donné, on peut avoir des trains qui viennent de l'une ou de l'autre des branches, et il faut faire en sorte qu'effectivement, ils arrivent au bon moment pour avoir justement cette cadence de 2 minutes 20 régulière au niveau du tronçon central, qui est la partie où on transporte le plus de voyageurs. On a donc aussi 11 terminus, puisqu'on a certains trains qui ne vont pas jusqu'au bout de la ligne. Et puis on a pas mal de faisceaux de garages qui sont en fait les lieux historiques des autres terminus. On a par exemple à un moment donné des trains que l'on gare à Torcy, simplement puisque jusqu'au début des années 90, la ligne A s'arrêtait à Torcy. Et de la même chose quand on parle de la Varenne ou de Rueil, qui sont des terminus historiques à un moment donné. Donc je vous propose de descendre directement à l'étage du bas pour aller rencontrer un aiguilleur, Didier, qui va un peu vous expliquer son métier. Bonjour. J'ai juste un tout petit peu de vous déranger en fait là. Parce que là c'est en temps réel, oui. Ou en règle générale il n'y a pas d'aiguillage à faire? Ah, c'est en temps réel, on fait ça tout le temps. Tout le temps de la même façon, hein. Il y a pas de... Et on a quelques automatismes qui nous permettent de ne pas faire tout le temps les itinéraires, mais sinon c'est nous qui faisons tout. Donc là, ce qui est allumé en jaune, c'est les itinéraires qui sont tracés pour les trains. Et quand les zones sont en rouge, c'est le train qui... ça représente le train qui est sur la voie. Et donc ces zones rouges se déplacent au fur et à mesure que le train avance. Et donc j'ai un garde-temps qui me permet de voir la liste des trains, donc ceux qui vont vers Paris et ceux qui viennent de Paris. Donc j'ai l'ordre des trains que je suis censé respecter. On a deux caméras qui nous permettent de voir les trains, donc ici qui viennent de la SNCF, puisqu'il y a une relève de conducteurs. Il y a un conducteur SNCF qui arrive et le conducteur RATP le relève. Ça permet de voir si le train est prêt ou pas. S'il n'y a pas de conducteur dans la cabine, on fait passer les trains qui viennent, le Kiki 16 que vous voyez là, QI 16. Ouais. Ça nous permet de voir si on le fait passer avant ou pas, quoi. Parce que typiquement, il y a un train qui vient de partir de l'interpréfecture et un autre qui arrive à l'interpréfecture. Et donc là, tant que le Kiki 16 n'est pas arrivé à la Défense, le train qui arrive à l'interpréfecture, le Nani 18, il ne pourra pas partir. Donc là, il est sur le quai à l'interpréfecture, voilà. Nani 18. Voilà, d'accord. Et donc il va avoir une signalisation, parce qu'en fait, on est comme sur la route avec des trains, on a des signaux, globalement un signal vert, un signal jaune, un signal rouge. Alors c'est un peu simpliste, hein, mais c'est globalement ça. Et pour qu'il ait un signal au vert, il va falloir que le train devant soit quasiment à la Défense, donc à la gare d'après. Mais je crois qu'il y a un problème là. Non. Il n'y a pas deux trains. Non, non. En fait, il le met évitement, mais il le laisse évitement jusqu'au dégagement, c'est-à-dire au passage du 59-39. Tu devrais le dire avant qu'il soit trop tard. Parce que de l'évitement, je ne fais pas le raccord. Si, justement, pour aller au raccord, il faut absolument prendre l'évitement. Voilà. Ouais, Charcat, tu peux encore le garder à l'évitement avec ton W? Ouais. Ouais, garde-le, s'il te plaît. Ok, ça marche. Je t'en parle. L'étage du dessus, ça va être l'étage plutôt de la régulation. Les chefs de régulation, globalement, quand le trafic se passe très bien, quand tous les trains sont à l'heure, ils ont peu de travail, peu d'action. Par contre, malheureusement, le RER A, il est quand même assez souvent perturbé. Dès qu'il est légèrement perturbé, le travail du chef de régulation, c'est de faire en sorte de gérer l'ordonnancement des trains pour que la charge dans les trains soit bien répartie. Parce que si on laisse un trou de desserte de 4 minutes, il y a le train qui va arriver derrière, 4 minutes sans train sur un quai, le quai est bondé, et forcément le train va prendre encore plus de charge et le train va prendre du retard. Et qui dit retard dit suppression, qu'on a trop de trains, on doit en enlever pour essayer de rétablir ce qu'on appelle de la fluidité. Ensuite, on va avoir toute la partie information voyageurs sur des modifications de trains, des suppressions de trains, des ajouts de trains ou des ajouts de dessertes. Hein. On a des trains qui ne s'arrêtent pas forcément dans toutes les gares et donc on essaye d'être vigilant si on supprime un train, de faire en sorte que le train suivant s'arrête dans la gare qui n'était pas desservie. Donc il récupère ces informations en temps réel pour faire de l'information à la fois sonore et visuelle. L'information sur les quais et l'information justement soit à bord des trains, soit sur les quais de manière sonore. Une Val d'Europe au CDCG, tu me reçois? Donc, moi c'est Sabrina Berme, je suis informatrice image. Je suis d'abord aiguilleuse pour connaître l'exploitation, pour avoir un langage transport, il faut d'abord être aiguilleuse. Et moi je m'occupe de tout ce qui est bas écran, c'est-à-dire tout ce que vous voyez sur les quais. Dès qu'il y a un incident de plus de 5 minutes, je me dois d'informer les voyageurs. Donc j'ai différents outils qui me permettent de voir la position des trains et j'entends les conducteurs qui parlent au chef de régulation. Et donc du coup, je peux savoir où on est l'incident et je transmets l'information à mes collègues qui font les sonorisations après. Mesdames et messieurs, je vous informe que le train qui vient de quitter Saint-Germain-en-Laye sera en direction de Chessy. Il vient de quitter la gare de Saint-Germain-en-Laye. Ok. En fait, ce grand tableau blanc qui s'appelle le TCO, ce grand tableau blanc qui recouvre l'ensemble de la salle, on va représenter toutes les voies du RER A. Et on va avoir deux parties, la partie du haut qui est la partie énergie électrique, et la partie du bas où on va avoir la circulation des trains. Donc la voie du bas, c'est la voie vers l'ouest, et la voie du haut, c'est tous les trains vont vers l'est. Et donc là, est-ce qu'on peut se repérer géographiquement sur ce plan ? Oui, tout à fait. Alors sur la partie gauche de la salle, on part de Saint-Germain-en-Laye. On va parcourir toutes les gares de l'ouest de Paris. Ensuite, on va se retrouver à Nanterre-Préfecture. En face de vous, vous avez toute la partie parisienne, donc de la Défense jusqu'à Vincennes. Et ensuite, ce tableau optique se divise en deux pour avoir la branche de Chessy et la branche de Boissy. Et encore une fois, on parcourt toutes les gares comme ça. Et dès qu'il y a un appareil de voie, donc dès qu'il y a un aiguillage entre deux voies, eh ben, il va être représenté. Et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir faire de la gestion d'incidents. Quand on a un incident de manière très importante et qu'on est obligé de couper le trafic, ben c'est dans ces points qu'on peut faire des retournements. Typiquement Noisy-le-Grand, Joinville, La Varenne, c'est des endroits où régulièrement on va limiter des trains et faire repartir des trains dans l'autre sens parce qu'on a des installations de retournement. Parce que justement, c'est l'histoire du RER A qui a été construit de bout en bout qui nous permet justement de gérer les incidents. Et ensuite, on va avoir des LED qui s'allument. Et quand les LED sont allumées en rouge, c'est un train qui circule. Et associé à ce train, on a un numéro de train. Parce que nos trains, ils ont des noms. Quand on appelle un train, on n'appelle pas le conducteur, on appelle le train. On a toute une norme de phraséologie qui est très normée, très sécuritaire, qui est d'ailleurs issue du militaire. Parce que le principal objectif du RER A, au-delà de la ponctualité, c'est la sécurité ferroviaire. Quand on gère des incidents en mode dégradé, il faut qu'on se donne des ordres qui soient directs, compréhensibles. Parce qu'en fait, l'ensemble des communications avec les conducteurs se font par la radio. Enfin, en l'occurrence, là, les noms, ce n'est pas les mêmes noms qu'on voit sur les RER. Alors, si, c'est les mêmes noms qu'on voit sur les RER. Quand le RER il rentre en gare, on a une petite mire avec des LED aussi. On voit le nom de mission, Kiki04, UZL01, Troll89. Alors, des noms qui ne veulent pas forcément dire grand-chose aux voyageurs, mais qui, pour nous, sont très importants, parce que chaque lettre a une signification. Et la destination et la provenance. Alors, origine, destination, desserte, globalement. Plus 6. Ah oui, ok. Donc là, je fais le SMS, ça marche. Tu avais fait un tétra. Non, je suis arrivé entre temps, j'avais rien en urgence. Kiki 22, déclenchement de l'arrêt automatique, ailleurs, quand ça marche, 6 minutes. Plus 6 minutes. Voilà. Donc cette salle, elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis, d'ailleurs, cette salle historique est ouverte depuis 1992, donc il n'y a jamais eu personne dans cette salle depuis 1992. Et donc il y a en permanence une vingtaine d'agents RATP et 5 agents SNCF. Donc c'est 25 agents qui sont globalement là en permanence. Ils se divisent en 3 services, le service du matin, le service de l'après-midi et le service de la nuit, où il y a un peu moins d'agents qui travaillent sur la nuit, parce que sur la grande nuit, dès que le service voyageur est terminé, on va avoir toute la partie travaux, et donc circulation de trains de travaux et accord des chantiers. Donc on a aussi une grosse activité en nuit sur la ligne du RER. Traverser en accéléré du tronçon central parisien pour reprendre depuis la Défense la ligne de Saint-Germain-en-Laye. La plus ancienne ligne de voyageurs qui figure déjà dans les itinéraires du 19e siècle et qui, depuis Saint-Lazare, déversait chaque dimanche son flot de Parisiens en quête d'air pur, élégantes chapeautées dans les wagons de première, tandis que le peuple se contentait des voitures découvertes de la 3e classe. J'ai pris pour la première fois le RER de Cergy à Paris, directement. Il n'y aura plus cette arrivée entre les parois noires de Saint-Lazare. Le soleil sur les façades en surplomb au-dessus de la tranchée des rails. Les enseignes Hôtel Champlain, École supérieure de secrétariat de la rue de Rome. La foule sur les quais. Tout est souvenir depuis ce matin. L'attente le soir devant les tableaux d'affichage. Les gens courant en tous sens se donnent rendez-vous. Les annonces des haut-parleurs. Les petites lumières bleues des trains le soir. Maintenant, on arrive à Paris en sous-sol, dans les lumières artificielles, sans savoir où l'on est. Beauté, cependant, des immenses escaliers métalliques parallèles à Charles de Gaulle. du silence. La ligne de Saint-Germain partait de la gare Saint-Lazare, et la gare Saint-Lazare avait, après-guerre, dans les années 60, un trafic qui était égal à celui de toutes les gares parisiennes. Donc la gare Saint-Lazare était encombrée et bondée en permanence, donc non seulement les trains de banlieue, mais aussi les trains de grande ligne vers la Normandie. Donc l'idée, avec la création du RER, ça a été ça, d'essayer de décharger un maximum le trafic à Saint-Lazare. L'idée première, d'abord, était aussi de desservir les nouveaux quartiers, comme d'abord le quartier de la Défense. Donc le premier projet, c'était un métro de grand gabarit qui relierait Étoile à la Défense. Après, ça s'est transformé en métro régional, mais à l'origine, c'était aussi pour desservir ce nouveau quartier d'affaires, ce Manhattan à la française, comme on l'appelait à l'époque. Et puis ensuite, le RER du côté Est a été aussi pour desservir les villes nouvelles. Donc, mais c'était surtout mettre au point un réseau de transport qui corresponde à l'évolution de la région parisienne, qui était en train de gonfler, d'éclater, où il y aurait pour la première fois des trains à grand gabarit qui rentrera en souterrain dans Paris et qui pourrait transporter beaucoup plus de passagers, et surtout que les trains de banlieue ne soient plus un cul-de-sac, parce que quand on voit autant de gens dans la gare Saint-Lazare, dans les couloirs de la gare Saint-Lazare, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution, on était obligé de passer par les gares parisiennes puisqu'il n'y avait aucune correspondance avec le métro. Vous en souvenez, vous, Fabienne Vax, la première fois que vous l'avez pris, le RER ? Oui, bien sûr. J'étais étudiante à Nanterre, donc on ne pouvait pas ne pas prendre le RER quand on était étudiant à Nanterre. À l'époque, il allait jusqu'à Nanterre, mais en revanche, il s'arrêtait encore à Aubert. On considérait qu'on avait de la chance par rapport aux étudiants qui, eux, prenaient le train à Saint-Lazare. Parce que d'abord, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le RER. Il allait vite, on ne l'attendait pas beaucoup. Et on se sentait confortablement installé. Parce que c'est vrai que le RER a apporté vraiment un confort supplémentaire par rapport aux lignes de train qui existaient par ailleurs. Et puis surtout, on se rappelait d'avoir lu comment les étudiants avant devaient trouver des moyens pour aller à Nanterre et marcher dans la boue aussi pour arriver à la fac. Donc nous, on considérait qu'on était très chanceux d'arriver à Nanterre quand il y avait déjà le RER. On est donc avec vous à La Défense et on va vous accompagner sur ce trajet jusqu'au terminus du RER A à Saint-Germain-en-Laye où vous enseignez donc à Sciences Po. Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, où je vais donner des cours ce matin. Donc là on vient de quitter La Défense, le RER s'est largement vidé. Vous, c'est un trajet que vous faites donc très régulièrement ? Oui, c'est un peu mon quotidien. J'habite dans l'Est parisien, je travaille à Saint-Germain-en-Laye. Oui, plusieurs fois par semaine, comme ça je fais ce trajet qui m'amène à traverser complètement d'est en ouest un beau plan de coupe de la région francilienne. Donc là, cette partie ouest du RER A, en tout cas sur cette ligne, hein, puisqu'ensuite l'interpréfecture, on peut diriger ensuite vers Cergy et Poissy, mais vous sur cette ligne, c'est une banlieue cossue. Si on accepte un petit bout de, en gros, de Nanterre, oui, tout ce qu'on traverse, c'est des bouts très bourgeois, pour pas dire plus. L'Île-de-France, je dis pour pas dire plus, parce que historiquement, c'est là, on suit en fait l'axe royal, l'axe historique, hein, qui va du Louvre jusqu'au château de Saint-Germain-en-Laye, hein, qui est d'ailleurs cet axe majeur, hein, avec les Tuileries, la Concorde, l'Arc de Triomphe. La Défense, et tout au bout là-bas, les terrasses du parc de Saint-Germain. Et donc tout cet axe, historiquement, a toujours été l'axe d'abord de l'aristocratie, désormais l'axe de la bourgeoisie, aujourd'hui de la grande bourgeoisie d'entreprise. Il suffit d'ailleurs de regarder un peu les données de l'INSEE et les cartes d'un certain nombre de collègues qui travaillent sur la ségrégation spatiale en Île-de-France, et on voit très très très très clairement que les communes le long de cet axe sont des communes non seulement très riches, alors par leurs recettes, recettes fiscales, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, mais aussi très riche par la population qui y réside. Et c'est une catégorie bien particulière, sont les cadres d'entreprises. Vous avez, par comparaison à d'autres territoires, beaucoup moins de cadres du secteur public, par exemple. Hein, c'est vraiment, si on devrait caricaturer, le cadre qui travaille à la Défense et qui réside au Grand Air, au PEC ou à Saint-Germain. Alors, ce qui est assez frappant, c'est qu'il est un peu plus de 9h30. Là, on arrive à Nanterre. Nanterre Université. Nanterre Université, oui. Et le train est quasiment vide, ouais. Par rapport à d'autres lignes. C'est assez frappant, ça. On est sur une ligne qui dessert des lieux de production de la richesse, hein, depuis Étoile jusqu'à Rueil-Malmaison. C'est vraiment une concentration de sièges d'entreprise extrêmement forte. Et c'est une ligne qui concentre aussi les populations riches. Et bizarrement, les services publics fonctionnent pas mal dans ce genre de territoire. On a des trains à l'heure, il est propre, moi je trouve. Ouais, il est propre, il est bien climatisé, il n'y a pas grand monde. On n'est pas serré. Alors on est serré quand on est dans le boyau central, dans Paris, où là, indistinctement, tous les RER A sont surchargés. Là, celui-là, une fois qu'on est arrivé à la Défense, tous les actifs qui viennent de l'Est parisien, qui descendent à la Défense, ne sont plus là. Il en reste quelques-uns qui vont bosser à Rueil. Bon, mais c'est tout. Je ne sais pas si elle a été mieux conçue, mais les politiques se sont plus intéressés à elle parce qu'elle desservait la Défense. Bertrand Lambert, journaliste. Et qu'elle desservait le 92 et que du coup, il fallait mettre des moyens parce que là, il y avait des hommes d'affaires qui allaient travailler. Donc, de la même manière qu'on a assez rapidement prolongé la ligne 1 jusqu'à la Défense, la ligne A, quand on a vu qu'il y avait quand même des problèmes, là aussi, de saturation, c'est un président de la République qui a tapé du poing sur la table, Nicolas Sarkozy à l'époque, et qui a demandé tout de suite la commande de trains à 2 étages et les choses se sont faites beaucoup plus rapidement que ça va ne se faire sur la baie. Et effectivement, maintenant, il y a un nouveau matos à 2 étages, climatisé, qui va un peu mieux. Mais le problème de saturation, il est là aussi. Et puis, il y a une branche qui ne marche pas du tout, qui est celle de la SNCF, qui va vers Cergy, où là, c'est une des pires branches d'Île-de-France, on a moins de 70% de régularité. Ce qui rend complètement fou les gens qui vont là-bas et qui, là aussi, n'ont pas d'autre alternative. Quand vous venez de Cergy pour aller à Paris, soit c'est les transports en commun, c'est la ligne A, soit c'est la voiture et c'est complètement bouché. Ce pôle de la Défense, il s'étend de plus en plus. Ah oui, la Défense, l'opération d'urbanisme de la Défense telle qu'elle a été livrée début des années 70, sur une dalle, bon, c'était sur un espace assez limité. Progressivement, tous ces espaces ont été occupés. La demande dans une métropole mondiale comme Paris d'espace de bureaux dans ce qu'on appelle partout dans le monde un Central Business District, elle dépasse les possibilités aujourd'hui d'hébergement de la Défense. Et donc, il y a de la demande. Alors, il y a des opérations d'urbanisme pour étendre, prolonger la Défense jusqu'à la Seine. Et il y a aussi ce débordement qui va par-delà, vraiment, la contiguïté de la Défense. Alors, là, on va arriver, on est encore à Nanterreville, mais on va arriver à Rueil-Malmaison. Vous allez voir, c'est frappant. Le long des voies, on voit émerger toute une série de bureaux, d'immeubles absolument standardisés, banalisés. On pourrait être n'importe quelle capitale du monde. On sait que c'est des bureaux d'entreprise. Alors, heureusement qu'il y a le nom dessus, parce que ça va être Google quoi, ou Alphabet. On sait que c'est loué, mais demain, Alphabet peut partir. C'est les mêmes locaux qui seront loués. C'est des produits complètement banalisés qui seront loués donc à quelqu'un d'autre. Mais c'est assez frappant, oui, de voir, là, on est encore dans Nanterre, on regarde autour de nous, il y a ce tissu nanterrois assez bizarre, avec un mélange de grands ensembles, de cités, de petites maisons, on sent que ça a été des maisons ouvrières autoconstruites, et puis ça y est, là, on voit commencer à voir émerger des grands paquebots de bureaux, on voit des milliers de salariés ou des centaines, je ne sais même pas ce que c'est, et puis on voit des grues, hein, quand même, ça construit, quoi, comme dans toute l'île de France, ça construit. On pourrait être sur la ligne B, on pourrait être sur. C'est peut-être le seul passage à Nanterre sur cette ligne A où on ne sait pas qu'on est sur la partie ouest de la ligne A. À partir du moment où on va arriver à Rueil, il n'y a plus photo, on sait qu'on est bien, on est chez les riches. Guy Johan, des environs de Paris. Deuxième édition 1868. Les environs de Paris offrent dans toutes les directions des promenades aussi agréables qu'intéressantes. Et tous ces paysages, ces monuments, ces œuvres d'art, vous pouvez les voir en une journée grâce au chemin de fer, sans être obligé de passer une seule nuit hors de ce Paris, tour à tour si aimé et si maudit. De Paris à Saint-Germain, troisième station, Rueil. 14 km de la rue Saint-Lazare, 8 km de Saint-Germain. Ville de 7092 habitants, Rueil est située au pied d'une colline plantée de vignes, à 1 km de la station du même nom. Une route bordée d'arbres et de petites maisons de campagne conduit de la station presque en ligne droite. Le RER A, il a joué un rôle dans l'urbanisation de cette partie-là? C'est pas le RER A. Il faut savoir que là, on est sur cette partie de la ligne RER qui n'a pas été construite dans les années 70 ou 60 pour les travaux du RER. En fait, là, on a récupéré maintenant la plus ancienne ligne de train de voyageurs de France. Donc, on devait être tout début des années 1830. C'est une initiative des frères Pereire qui obtiennent concession de l'État pour leur compagnie des chemins de fer et qui vont construire donc cette ligne Saint-Lazare-Saint-Germain. Et vraiment, l'urbanisation, elle a changé à ce moment-là. On mettait, je crois, avant le train, on mettait 5-6 heures en voiture à cheval pour aller faire Paris-Saint-Germain. À partir du moment de la livraison, là, 1837 de mémoire, hein, de cette ligne Paris-Saint-Lazare-Lepec, on passe à une demi-heure. Donc ça change tout, ça devient vraiment la destination de week-end. Et c'est à ce moment-là que tous ces territoires, ces grandes plaines agricoles et forestières, au-dessus des méandres de la Seine, je dis ça parce qu'on est en train de passer justement sur le pont de Chatou. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'urbanisation s'est faite le long de cette voie de chemin de fer qui permettait... on n'était pas encore dans le pendulaire hein, des banlieusards qui venaient travailler à Paris, mais à l'inverse, la bonne société parisienne, la bourgeoisie parisienne qui s'offrait sa résidence de villégiature au bord de Seine, à proximité immédiate de Paris. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la ligne de Saint-Germain. Donc c'est la première. Au début, elle allait jusqu'au Pec. Elle ne pouvait pas monter jusqu'à Saint-Germain-en-Laye puisque la côte était trop élevée. Donc il y a eu plusieurs systèmes qui ont été testés, dont un, le système atmosphérique, que je ne vous expliquerai pas parce que c'est trop long et qu'il faudrait un scientifique pour expliquer. Il y a eu un accident parce que les freins ont lâché. Donc il y a eu beaucoup de tentatives et le train n'a pas été de Saint-Lazare à Saint-Germain sans encombre. Et c'est vrai qu'il y avait aussi le fait que dans un premier temps, les gares qui jalonnaient le trajet ont été construites au fur et à mesure. Donc on avait quand même une première ligne de chemin de fer sans gare intermédiaire, ce qui est quand même assez inimaginable aujourd'hui. Vous décrivez dans votre livre, Fabienne Vax, notamment les compartiments qui étaient à l'époque absolument sans confort, des voitures ouvertes pour certaines, qui étaient même dans les classes supérieures agrémentées de bouillottes l'hiver, c'est ça ? Les trains n'étaient absolument pas chauffés, donc même en première classe, si on avait plus de place, pour autant, on avait froid. Donc c'était quand même plus enviable que les situations des wagons découverts en troisième classe où on attrapait des escarbilles, mais c'était assez inconfortable. Ce métro de l'avenir circule sur une ligne chère aux amoureux des chemins de fer. C'est en effet sur cette ligne que roula le 22 août 1837 le premier train de voyageurs au monde. Financé par quelques visionnaires hardis qui avaient foi dans le rail, l'entreprise était périlleuse. Pourtant, la reine Marie-Amélie, femme de Louis-Philippe, revint vivante du Pec, alors terminus de la ligne. Ce n'est que 10 ans plus tard que Saint-Germain vit arriver le rail, sous forme d'un curieux chemin de fer pneumatique, le train atmosphérique. La vapeur devait régner sur la ligne jusqu'en 1927, et beaucoup s'en souviennent. J'ai connu les trains à vapeur avec des impériales et des petits compartiments. Il y avait des premières, des deuxièmes et des troisièmes. Dans les troisièmes, surtout, c'était ceux qui travaillaient sur Paris Et souvent, ils se donnaient rendez-vous à quatre, et dans le compartiment, on jouait une partie de cartes. Les jeunes montaient plutôt à l'impérial, parce que les jeunes étaient plus libres, plus tranquilles. Les dames? Ah, les dames avaient des compartiments spéciaux. Pour dames seules, il ne fallait pas s'y fourvoyer, ça était en contravention. Quatrième station, Chatou. Chatou, situé sur la rive droite de la Seine, communique avec la rive gauche par un pont construit en 1812, coupé en 1815 pour arrêter la marche des Alliés et reconstruit depuis. Le 26 février 1848, le pont du chemin de fer fut incendié en partie par des bandits qui saccagèrent les bâtiments du chemin de fer atmosphérique. Ces misérables appartenaient aux villages traversés autrefois par les grandes routes. C'étaient des cultivateurs et de petits commerçants aisés qui se vengeaient du préjudice que leur avait causé le chemin de fer. Place donc au métro express, symbole de l'avenir. Alors là, c'est vrai que les maisons qu'on entreaperçoit à travers les arbres sont beaucoup plus imposantes. Effectivement, c'est pas du pavillonnaire. Ah, là, on a changé. Autant tout à l'heure, vers Nanterre, ce qu'on voyait qui restait de pavillonnaire, qui n'a pas encore été démoli pour laisser place à des écoquartiers, ou il y a 50 ans à des ZUP. Les écoquartiers étant la forme contemporaine des ZUP. Les zones urbanisées par priorité, les grands ensembles d'habitat social des années 60, 70. Et donc là, on a passé la Seine, on est en bord de Seine, et on voit apparaître effectivement ces belles propriétés. Alors là, on est dans le cœur de Chatou, ça reste encore un peu dense, mais vous allez voir, dès qu'on va passer au bout de 100 mètres, bah oui, on a des belles maisons de maîtres, des petits hôtels particuliers, quelques pièces architecturales d'ailleurs, regardez ici, une belle maison à colombages. Mais on se rend compte que même ce qui étaient les plus petites maisons, hein, ont fait l'objet là aujourd'hui de tels réinvestissements. Et au-delà d'ailleurs des maisons, regardez surtout, moi je suis très frappé quand on arrive ici, la taille des parcelles. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est des maisons avec d'immenses jardins, voire quasiment des parcs. C'est quand même très très très très frappant, et à part peut-être dans certaines parties, mais très éloignées en fait de la ligne C, le long de la ligne C, où on peut avoir effectivement ce genre de configuration urbaine. Sinon, c'est absolument exceptionnel, quoi. Le bois du Vésinet, appelé jadis « forêt des chauffours », était un reste de l'ancienne forêt qui couvrait l'île de France. Le Vésinet, centre. Il avait au XVIIe siècle un mauvais renom et passé pour dangereux. On peut y faire aujourd'hui d'agréables promenades. L'une des plus fréquentées est celle du lac supérieur, sur le bord duquel, à l'ombre d'un bouquet d'arbres, se donnent des concerts pendant l'été. Là, Renaud Epstein, on entame donc la dernière partie vers Saint-Germain-en-Laye, la montée. Donc. Bah là, on entame finalement le bout de ligne qui a été livré plus tardivement sur cette ligne Paris-Saint-Lazare-Saint-Germain du 19e siècle. Hein, à partir du moment où on a su faire des locomotives qui étaient capables de monter, parce que jusque-là, hein, de Paris jusqu'au PEC, on est dans les grandes plaines. Donc c'est tout plat. Il faut juste construire un ou deux ponts pour franchir les méandres de la Seine, mais sinon ça n'appelait pas de prouesse technique. Entre Le Pec et Saint-Germain, hein, on traverse de nouveau la Seine, hein, très très belle vue sur cette grande plaine de la vallée de la Seine. Et puis ensuite ça monte vers les coteaux, là vous les voyez, et en haut le château de Saint-Germain, la grande terrasse. Alors c'est très très beau, hein, quand on le voit d'ici, depuis le RER, je trouve un des plus beaux paysages du RER parisien, comme vous voyez là, tous ces coteaux, le château, la terrasse, hein, dont on devine le caractère rectiligne. Là on passe au-dessus de la Seine, c'est beau, c'est verdoyant, il y a des îles, c'est l'espace naturel, dans une biodiversité par ailleurs. Et en contrebas, puisque là on est sur un ouvrage d'art, vous voyez, ces belles maisons, hein, on voit qu'on vit bien ici. Ville de 17 478 habitants, située sur la rive gauche de la Seine, à 84 mètres d'altitude, Saint-Germain s'est beaucoup assaini et embelli depuis l'ouverture du chemin de fer. L'air y est d'ailleurs salubre et vif. De beaux pavillons neufs se sont élevés entre le château et le pavillon d'Henri IV, ainsi que sur la lisière de la forêt. On va descendre, vous venez avec moi dehors, vous allez voir, la sortie est assez spectaculaire. On est habitué à sortir du RER, souvent arriver dans des villes nouvelles. des gares des années 70, puisque les gares ont été aménagées au moment de la livraison du RER, qui sont souvent un peu vieillottes, dépassées, pas encore assez pour être vintage et désirables, mais ça va venir. Vous sortez du RER, en général, vous avez quoi? Vous avez un relais H, un kebab et des stations de bus mal organisées devant. Là, vous allez voir, on va sortir de la station. Enfin, je vous laisse découvrir, mais c'est quand même un beau spectacle. À la fois, il n'y a pas de doute quand en fait vous êtes en ville. Hein, ici, il y a de la densité, vous voyez, il y a du commerce, il y a un peu de bordel urbain quand même, enfin un bordel urbain du 18e, mais un bordel urbain. Et puis vous avez ce merveilleux château juste en face de la sortie du RER, qui est le Musée national d'archéologie. Vous avez cette très très belle terrasse et vous devinez là, les jardins à la française. Si vous marchez de 100 mètres, on arrive au bout de la. Vous avez 5 minutes? Oui. Allons sur la terrasse. La terrasse de Saint-Germain est une des plus magnifiques promenades qui existent en Europe pour l'étendue du parcours et du point de vue. Elle fut construite par le nôtre en 1672. Elle a 2400 mètres de longueur et 30 mètres de largeur. Soutenue par un mur élevé avec cordons et tablettes de pierre, elle s'étend jusqu'à un large bastion sur lequel s'ouvre la grille royale qui mène dans la forêt. On se dirige vers le bout de la terrasse, donc une terrasse qui surplombe la vallée de la Seine. Et si la pollution n'est pas trop là, on verra même quelques bâtiments remarquables de Paris. Ça c'est quoi là-bas? C'est pas le Mont Valérien? La Défense est là, donc c'est sûr. Si, ça doit être le Mont Valérien. La tour Eiffel là-bas au loin, derrière. Ça doit être le Mont Valérien. La terrasse de l'observatoire de Meudon, elle doit être un peu plus là-bas derrière. Je suis pas sûr qu'on la voit. Mais vous voyez, ce que je trouve marrant quand on arrive ici, c'est comme d'un seul coup, on se remet à repercevoir la géographie physique. On est en surplomb, on voit le tracé de la Seine, on voit la coupure de la Seine. On se rend compte que finalement, on est en zone encore relativement dense. On arrive ici en RER, ça a été assez rapide. C'est très vert. Regardez, entre ici et la Défense, on a l'impression que c'est juste vu d'ici, vu de haut. On a juste une sorte de vaste forêt avec quelques petits endroits construits. La réalité n'est évidemment pas celle-là. Ça change quand même, je trouve, assez radicalement. Ici, la perception qu'on a de l'espace qu'on vient de traverser. RER A des Guinguettes aux Villes Nouvelles par Christelle Le Polotec et Anne Fleury. Avec Renaud Epstein, Fabienne Vax, Bertrand Lambert, Jean-Michel Sens, Mathieu Aymour et Marine Buffa. Merci au Centre de commandement unique du RER A, stagiaire Ada Kersero, lecture Nathalie Canoui, prise de son Fabien Gosset et Claude Nior, mixage Alain Joubert, coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier.